إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 7, hein, l'explication du livre de la Aqidah des deux imams Abu Hatim et Abu Sur'a al-Razi. On les appelle les deux al-Raziyan, al-Raziyan. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tous les deux de la ville de Ray. Et les gens qui habitent la ville de Ray, ou qui viennent de la ville de Ray, on l'appelle un Razi. Razi. Ils ont ajouté le Zay, pour que ce soit plus facile à prononcer. Et donc, on appelle cette Aqidah la Aqidah des Raziyin, la Aqidah des deux Razi. Et et comme on a expliqué dans l'introduction, le premier cours, on a donné la biographie de ces deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a. Ces deux imams, parmi les grands imams des Salaf al-Salih, yani des montagnes de science dans le hadith et dans la religion. Et on lit ensemble le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, qui s'intitule Qurratul Aynayn بتوضيح معاني عقيدة الرازيين, c'est-à-dire قرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. Ça c'est le titre du sharh. Donc on est arrivé dans le livre au troisième point dans les éléments qui sont mentionnés par les deux imams au sujet de la aqidah des salafs. Hein, on sait que c'est dans l'habitude des salafs d'écrire ou de mentionner la aqidah des salaf, hein, et d'énumérer les éléments qui font partie de leur aqidah et de leur manhaj. Et la raison pourquoi les imams font ça, c'est pour faciliter aux gens la connaissance de ces fondements-là, et pour en même temps qu'on sache que la aqidah des salaf, c'est pas quelque chose qui a été inventé à notre époque, mais c'est quelque chose qui, à chaque époque, a été élaboré et clarifié et détaillé par les imams, les salafs eux-mêmes. Et donc, chaque fois, les imams expliquaient leur aqidah, qui est la aqidah des gens de la sunna, la aqidah des salafs al-salih. Et donc, ils mentionnent certains éléments. On a mentionné le premier élément qui était la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Et qu'est-ce que c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a? On a mentionné ça et on a donné les preuves. Et Cheikh Rabi', il a expliqué et détaillé là-dessus et réfuté plusieurs des groupes de bid'a et des shubuhat à ce sujet-là, par rapport au Khawarij, par rapport au Murji'a et les différentes sectes qui composent les Murji'a. Après, on a parlé au dernier cours, on a rentré dans un autre point qui est la foi en la tribu d'Allah, al-kalam, la parole, et le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de l'affirmation des noms et des attributs, et ça c'est pour réfuter les Jahmiya et les Mu'tazila qui sont tombés dans la négation des attributs et des noms d'Allah, puis ceux qui les ont suivis là-dedans, parmi ceux qui sont venus par la suite, les Asha'ira et les Maturidiyya, hein, et les Ahbash, et tous les autres groupes qui ressemblent à cette tendance. Le troisième point, et le point qu'on va parler aujourd'hui, le point dont on va parler aujourd'hui, c'est le point au sujet de Al-Qadar. Parce que beaucoup de gens ont dévié au sujet de cette question-là, la prédestination, hein, le décret divin et la prédestination, Al-Qadha ou Al-Qadar. Et donc les imams d'Ahl Sunnah, Abu Hatim et Abu Zura al-Razi, ont voulu clarifier la position des salafs et leur position vis-à-vis de cette question importante qui a rapport avec la aqida et le tawhid. Et donc ils ont dit, وقال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. C'est-à-dire que tous les deux, ils ont dit que Al-Qadar, c'est-à-dire la prédestination, que ce soit qu'est-ce qui est bien ou que ce soit quelque chose de mal, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Rabia, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit Al-Qadar kulluhu khayruhu wa sharruhu min Allah tabaraka wa ta'ala, fallahu la yakunu fi mulkihi illa ma yurid. ولا خالق ولا بارئ لهذه المخلوقات إلا الله ولا يحصل في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا هو خالقه ولا يحصل إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. Ça veut dire que tout ce qui a été prédestiné, que ce soit du bien ou que ce soit du mal, ça a été prédestiné uniquement par Allah سبحانه وتعالى. Et c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah qui l'a créé. Il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Et il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de créateur qui a créé ses créations, ses différentes créatures, excepté Allah. Et il n'y a rien qui se produit dans cette création et dans cet univers, que ce soit un mouvement ou que ce soit le contraire, c'est-à-dire quelque chose d'immobile ou quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, excepté que c'est Allah qui l'a créé. Et cela ne se produit que par sa volonté et par son vouloir. Hein? Il n'y a rien qui sort de ça. Même pas une atome. Même pas une atome dans l'univers. Même pas un photon. Même pas, peu importe qu'est-ce que tu peux, la particule la plus petite qui existe, eh bien, elle ne sort pas de cette règle-là. Que tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle peut faire, c'est yani, par la volonté d'Allah. Et c'est Allah qui l'a créé. Et que ce soit les plus grandes créatures et les plus petites, c'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il les contrôle toutes et c'est lui qui les fait changer ou évoluer ou bouger ou qui les rend immobiles. Hein? Le cheikh il dit ensuite, وعلم الله سبحانه وتعالى من الأزل وعلم ما الخلق عاملون وقدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وعلم ما سيكون إلى أبد الآبدين علم ذلك ثم بعد ذلك كتبه في اللوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وفي كتاب يعني أي في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها هذه المخلوقات هذه المصائب فالله قدرها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إن كل شيء خلقناه بقدر. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait tout, éternellement. Il a toujours su tout, hein, et éternellement. Et il sait ce que sa créature fait. Hein, et il a prédestiné leur subsistance. Et il a prédestiné leur terme. C'est-à-dire, yani, quand est-ce qu'ils vont mourir? Quand est-ce qu'ils vont terminer? Il a prédestiné leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme action? Hein? Et il a su déjà à l'avance, c'est-à-dire éternellement, qu'est-ce qu'il va y arriver. Il a su éternellement qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir et jusqu'à l'éternité. Et la connaissance de ça, une fois qu'il l'a eu, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps, il l'a écrit dans la table préservée. Et toute chose, comme c'est mentionné dans Sourate Yassin, verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et toute chose a été gardée ou préservée dans un guide clair, dans un guide évident et clair, c'est-à-dire dans un livre. Dans un livre clair, c'est-à-dire les tables préservées. Et dans un autre verset, dans Surat Al-Hadid, le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie qu'il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre ou dans vos personnes, excepté que c'est dans un livre, que ça a été écrit dans un livre, avant même que ce soit créé, avant même qu'il l'ait créé. Et ça, c'est quelque chose de facile pour Allah. Hein? C'est quelque chose qui est facile pour Allah. Et le Cheikh il dit ensuite, et dans un livre, c'est-à-dire dans Al-Lawh Al-Mahfouz, hein, la table préservée. Et min qabli an nabra'aha, nabra'aha, c'est-à-dire avant qu'il le crée. Allah subhanahu wa ta'ala huwa min asma'ihi al-bari'. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-bari', c'est-à-dire c'est lui le créateur. Nabra'aha, c'est-à-dire la création. Ok? Donc, tout ce qui a été créé, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de l'avoir créé, il l'avait écrit dans un livre. Donc, toutes ces créatures et tout ce qui arrive comme malheur sur terre ou dans les personnes des créatures qu'Allah a créées, eh bien, c'est Allah qui l'a prédestiné. Et tout ça est préservé dans un livre, hein, dans un guide clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 49 dans Surat Al-Qamar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, c'est-à-dire nous avons créé toute chose selon une juste mesure. Selon une juste mesure. فالله سبحانه وتعالى علم أفعال العباد وخلقها وخلقها وقدرها وعلم ما كان وما سيكون إلى أبد الآبدين. وما من حركة ولا سكون في هذا الكون من الملائكة والجن والإنس والدواب إلا والله خالقها يعلمها سبحانه ويعلمها سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا تفوت علمه شيء وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a su toutes les actions des créatures. Et c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a prédestinés, et il a su ce qui allait être dans l'avenir jusqu'à l'éternité. Et il a toujours su qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir aussi, même dans le passé, éternellement. Et donc, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une inertie ou une absence de mouvement dans l'univers. De la part des anges, de la part des djinns, de la part des hommes, de la part des bêtes, des animaux, excepté que c'est Allah qui l'a créé et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait, hein, il connaissait cette chose-là avant même qu'elle se produise. Et il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est trop petit ou qui est trop caché pour lui. Hein, parce qu'il n'y a rien qui peut se cacher de lui. Voilà, tarfa alayhi khafiya. Il n'y a rien qui lui échappe, même si c'est la chose la plus petite ou la plus difficile à voir. Wala yafutu ilmuhu shay. Il n'y a rien qui échappe à sa science. Wa kullu dhalika maktubun fi al-lawh al-mahfuz. Et tout ça est écrit dans la table préservée. Khalaqa Allahu al-qalam fa qala lahu uktub. Amarahu أمره الله أن يكتب قال وما أكتب قال أكتب مقادير كل شيء فكتب القلم مقادير كل شيء إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Ça, c'est mentionné dans un hadith, qui est un hadith sahih apporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, hein, dans le chapitre de Al-Qadar. Selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي ماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة وقال الألباني حديث صحيح انظر ظلال الجنة. Donc c'est ça, le cheikh Rabi, il cite ce hadith, il mentionne ce hadith qui dit que selon Ubadat ibn Samit, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, il lui a dit, écris. Et elle a dit, que dois-je écrire, ô mon Seigneur? Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce que vienne l'heure. Jusqu'à ce que vienne l'heure. Et ça, c'est rapporté par, comme on a dit, Ahmad, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Cheikh Al-Albani a dit, c'est un hadith sahih. Hein, regarde dans le livre Zilal al-Jannah, dans le tahrij de yani, As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim Al-Asbahani. Ibn Abi Asim Al-Asbahani. Le Cheikh, il dit ensuite, Cheikh Rabi', Allah subhanahu wa ta'ala la yadillu wa la yansa. Non, il mentionne le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsque Moussa a dit à Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala cite les paroles de Moussa à Pharaon lorsqu'il dit fama balul qurun al-ula. C'est le verset 51 et 52 dans sourate Taha. Fama balul القرون الأولى. Qu'en est-il des générations anciennes, des premières des générations passées, hein? Ça, c'est la question que Pharaon a posée à Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qui va arriver d'elle? Et Moussa alayhi salam a répondu en disant sa connaissance ou la connaissance au sujet de ces générations-là, elle est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ni ne s'égare ni n'oublie. Hein? Il ne s'égare pas et il n'oublie pas. Donc ça veut dire que, ça c'est des exemples qui montrent que la connaissance des choses, elle a été écrite. Elle a été écrite par Allah dans un livre. Après il dit, Allah subhanahu wa ta'ala la yadillu wa la yansa lakin li hikmatihi wa sunnatihi أن يكتب ولكن لحكمته وسنته أن يكتب وإلا ليس بحاجة إلى الكتابة فإنه لا يضل ولا ينسى ولكن من ربوبيته سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. شيخ الزي الله سبحانه وتعالى إن سيغفى إن نبلي با. Mais par sa sagesse et par sa loi ou par sa règle, il a voulu écrire. Et il écrit les choses. Et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala écrit la prédestination des choses, c'est pas parce que il a besoin d'écrire. Comme les êtres humains, pourquoi on écrit? Quand on écrit quelque chose, pour pas oublier, pour pas perdre une information, soit on l'écrit sur du papier ou on l'écrit à l'ordinateur ou on l'enregistre, ou on fait des comptes comme ça. Pourquoi? Pour pas perdre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc pour pas perdre l'information, pour pas l'oublier, pour pas l'égarer, Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est-ce qu'il a besoin de ça? Non. Il a pas besoin d'écrire parce que il oublie pas, il n'égare pas. Mais, par sa sagesse, il a voulu écrire. Il a voulu écrire. Et c'est pas pour son besoin à lui, mais c'est pour une sagesse qu'il connaît lui-même. C'est comme la même chose, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on a des anges, un ange à droite et un ange à gauche, qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions qu'on fait. Pourquoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ce que nos actions soient écrites? Même si des anges ne les écrivent pas, ces actions, Allah subhanahu wa ta'ala les a connues avant même qu'il nous ait créés. Il savait déjà avant même de nous avoir créés quel péché on allait faire à tel jour, à telle heure, à telle seconde. Donc il n'a pas besoin que ce soit écrit, mais c'est pour nous. C'est pour établir la preuve contre nous-mêmes. Si jamais au jour de la résurrection, un être humain dit « Moi, je ne veux pas, je ne crois pas, je ne reconnais pas tel péché, ou je n'ai pas fait telle chose, ou je n'ai pas dit telle chose, non, ce n'est pas vrai », il ne peut pas disputer, parce qu'on va lui ouvrir son livre, et tout est écrit dedans. Il ne peut rien nier. Et là, il ne peut pas s'échapper. C'est pour nous, l'écriture, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala par sa souveraineté et sa seigneurie, il fait ce qu'il veut. Donc s'il veut écrire, il écrit. Il n'y a personne qui peut lui dire non, fais pas ou fais pas des choses ou des choses comme ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique le cheikh, Cheikh Rabi, hafizahullah, notre cheikh bien-aimé, qui défend la sunna et qui réfute les gens de bid'ah et que les gens de hizbiyah détestent de tout leur, de toute leur rage. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore une longue vie dans la défense de la sunna. Donc il dit quoi? Il dit كتب هذه الأشياء التي قدرها سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك من مراتب القدر هذه المرتبة الأولى علمه وكتابته لكل شيء لكل هذه المعلومات من المخلوقات حركتها وسكناتها وأقدارها وأجالها هذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير كلها علمها في الأزل ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. Donc le cheikh il dit toutes ces choses là que Allah a prédestiné subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala les a écrites dans la table préservée, puis après ça il dit, puis ensuite ça c'est parmi les degrés du qadar, c'est parmi les degrés du qadar. Donc le premier degré c'est la science et le fait que Allah a écrit. Tu sais, souvent les maghrébins ils disent al-maktoub, ou bien pas juste les maghrébins mais beaucoup de musulmans quand ils parlent de la prédestination ils disent al-maktoub. Donc al-maktoub ça exprime un des éléments ou un des degrés de la prédestination, mais c'est pas le seul degré. Le premier, comme on a dit, il y a la science éternelle d'Allah qui englobe toute chose. Puis après, il y a l'écriture qui est un des éléments de la prédestination ou de la foi en la prédestination, c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est deux points qui font partie de ce degré-là. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit que toutes ces informations au sujet des créatures, leur mouvement, leur absence de mouvement quand elles ne bougent pas, quand elles sont immobiles, ou bien qu'est-ce qui a été prédestiné à leur sujet, le terme de leur vie, quand est-ce qu'ils vont mourir. Celui-là, il est haut de taille, l'autre, il est court, il est petit. Celui-là, il est riche et l'autre, il est pauvre. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a su éternellement. Et puis ensuite, il l'a écrit dans la table préservée. Donc ça, c'est un degré. ثم مراتب أخرى تابعة لهذه المرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة كتابة الجنين كتابة الكتابة عند نفخ الروح يأمر الله سبحانه وتعالى الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا كتابة أخرى تابعة للكتابة الأولى تابعة لمرتبة العلم. Donc le cheikh il dit que ensuite il y a un autre degré parmi les degrés du qadar, c'est qu'est-ce qu'on a dit, al-kitaba, c'est le deuxième degré, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala écrit par exemple au moment où le fœtus est dans le ventre de la femme et qu'il envoie l'ange avec l'âme de cet enfant pour que l'âme soit soufflée dans son corps, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là ordonne à l'ange d'écrire sa subsistance, son terme, c'est-à-dire quand est-ce qu'il va mourir, et d'écrire son action, qu'est-ce qu'il va faire comme œuvre, et d'écrire s'il sera malheureux ou heureux. Et ça, c'est quatre choses qui sont écrites, qui font partie de l'écriture, qui suivent la première écriture qui est dans la table préservée et qui suivent également le degré de la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'écriture dans le fœtus lorsqu'il est dans le ventre de la mère au moment où on souffle l'âme, ça c'est une écriture qui fait partie de ce qui est écrit dans la table préservée. C'est pas une écriture différente. OK, il y a pas de choses différentes dans cette écriture là, c'est la même. C'est la même, c'est juste que c'est plus spécifique puisque c'est écrit par rapport à cet individu là spécifiquement dans au moment de d'insouffler l'âme. Non. Ensuite, le cheikh il dit wa kama hunaka martabatun ukhra وهي مرتبة المشيئة فلا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى ويكون بقدرة الله فلا شيء يخرج عن مشيئته وإرادته ولا شيء يخرج عن قدرته. Donc le cheikh il dit il y a d'autres degrés également. Parmi les exemples d'autres degrés, c'est le degré de al-mashi'ah. Al-Mashi'a, c'est-à-dire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a rien qui puisse se produire dans l'univers, excepté que ce soit par la volonté d'Allah et par son vouloir. Et également par sa puissance, par sa force, par la puissance d'Allah, par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses-là se produisent. Il n'y a rien qui sort de la volonté et du vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui sort de sa puissance et de sa toute puissance. Ok? Donc il n'y a pas quelque chose qui se produit que Allah ne savait pas, il n'y a pas quelque chose qui se produit que Allah ne voulait pas, et il n'y a pas quelque chose qui se produit que Allah n'a pas permis par sa puissance et par sa volonté. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut pas que quelque chose se produise, ça se produira pas. Et si il veut que quelque chose se produise, il y a rien qui peut l'empêcher de se produire. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est tout puissant, et sa puissance et sa volonté est au-dessus de toute autre puissance et toute autre volonté chez ses créatures. Après, le cheikh il dit wa min dhalika af'alul ibad, a'malul ibad مخلوقة لله ومع أنها مخلوقة لله فقد منح الله المكلفين العقول والأسماع والأبصار والقدرة والإرادة وهذه الأمور يحاسبون بسببها فيأتي العمل الصالح باختياره ويأتي العمل السيء باختياره وإرادته وقدرته فيكتب الله ذلك عليه ولا منافات بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين كون العباد فاعلين ولا منافاة بين كون الله يخلق هذه الأعمال ويشاؤها ولا منافاة بين أن العباد عاملون لأعمالهم ومسؤولون عنها. Donc le cheikh il dit que parmi les exemples il y a يعني, les actions des serviteurs. Ça, c'est les actions des serviteurs, c'est Allah qui les a créées. Les actions des serviteurs, c'est Allah qui les a créées. Et malgré qu'elles sont créées, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux êtres humains la raison. Et il leur a donné l'ouïe pour entendre, et la vue pour voir, et une puissance pour être capable d'agir et de faire les choses. Et il leur a donné aussi une volonté pour être capable de choisir, hein, et de vouloir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est sur toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les juger. Allah subhanahu wa ta'ala va les juger à cause de ces choses-là. Et donc, celui qui ramène une bonne action, il la ramène par son choix, parce qu'il l'a choisi. S'il vient avec une action qui est mauvaise, il l'a fait, cette action qui est mauvaise, par son propre choix, et par sa volonté, et par sa capacité aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire ça, hein, qu'il a fait ça. Et il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre le fait que, ou entre, il n'y a pas de contradiction entre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que les serviteurs sont agissants et que ce sont eux qui font leurs actions. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les actions des hommes et qu'il les a voulues, et il n'y a pas de contradiction non plus entre le fait que les serviteurs, ce sont eux qui font leurs œuvres et qu'ils vont être questionnés pour ce qu'ils ont fait. Hein? Il n'y a pas de contradiction entre ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée nos actions, mais ce n'est pas lui qui les fait. C'est nous-mêmes qui faisons nos actions. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé nos actions. Et un exemple pour vous faire comprendre ça, c'est comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'action de manger. C'est lui qui nous, quand on mange, c'est lui qui a créé ça, cette action-là. Hein? Mais c'est notre action à nous. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui mange. C'est l'être humain qui mange. Et Allah a créé l'être humain mangeant à ce moment, hein, en faisant cette action-là. Mais donc, il y a une différence entre le fait de faire l'action et de créer l'action. Créer l'action, c'est une chose, et faire l'action, c'est une autre chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les serviteurs et leurs actions, mais il ne fait pas leurs actions pour eux. Okay? C'est eux-mêmes qui font leurs actions. Et le cheikh, il dit, فَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ فَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبِرُّ وَالْبَرُّ والفاجر والمصلي والصائم والصادق والكاذب هذه صفات وهذه أعمالهم هذه صفاتهم وهذه أعمالهم وهذه ذنوبهم ولا يوصف بها إلا هم والله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذه الأعمال وإن شاءها وقدرها وكتبها لعظمته وجلاله لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإرادته ولا يوجد مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh, il dit, le serviteur, c'est, quand on parle de serviteur, on dit, c'est comme si on voulait dire les êtres humains, les créatures. Donc ce sont soit des croyants, un croyant ou un mécréant, soit que c'est un homme pieux ou un pervers, soit que c'est quelqu'un qui prie ou qui jeûne ou qui est véridique, ou un menteur. Donc toutes ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques de leurs actions à eux et de leurs péchés à eux. Et personne ne peut être décrit par ces caractéristiques-là, excepté eux. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ne peut être décrit par aucune de ses actions. On ne va pas dire que Allah est le pécheur, ou que Allah est le jeûneur, ou que Allah c'est celui qui fait ces actions-là. Non, Allah a créé ces actions-là. C'est lui qui les a voulu, qui les a prédestinés, qui les a écrits, qui les a créés. Mais c'est pas lui qui les fait, d'accord? Et il y a, malgré donc qu'il a tout voulu ça, qu'il les a créés, qu'il les a écrits, qu'il y en est par sa grandeur et par sa majesté, il n'y a rien qui se produit dans cette création et dans cet univers excepté par sa volonté. Il n'y a rien qui existe comme créature excepté que Allah l'a créé. Il n'y a pas une créature qui existe quelque part puis c'est pas Allah qui l'a créé, c'est quelqu'un d'autre. Impossible. Ok? Toutes les créations, toutes les choses qui existent, que ce soit bien ou que ce soit quelque chose qu'on voit comme étant bon ou mauvais, bien ou mal, c'est Allah qui l'a créé. Même si c'est un être humain qui l'a fabriqué, c'est Allah qui l'a créé. Parce que tout ce qu'on a fabriqué, c'est Allah qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wallahu khalaqahum wa ma ya'malun » Et Allah les a créés et ce qu'ils font. Donc, tout ce qu'on fait, c'est Allah qui l'a créé, que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Ou qu'on puisse l'utiliser dans le bien ou dans le mal. Hein? C'est Allah qui l'a créé. Et tout ce qui existe, c'est par la sagesse d'Allah. Et si Allah a voulu qu'il existe et qu'il lui a permis d'exister, yani, c'est parce qu'il y a une sagesse dedans. C'est comme certaines personnes yani, qui disent pourquoi Allah a créé Iblis. Alors que Iblis, il fait du mal et il appelle à l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Iblis et Allah, il est bon. Hein, et tout ce que Allah fait est bon. Et il n'y a rien dans ce que Allah fait qui n'est pas bon. Et même si dans certaines choses qu'il a créées, il y a du mal, hein, eh bien, ce mal-là, ce n'est pas un mal absolu. C'est un mal relatif. Parce que même dans ce mal, il y a un plus grand bien que le mal qui est dedans. Comme par exemple, l'existence de Iblis, le shaitan. Il y a du mal là-dedans. Mais, il y a aussi un plus grand bien, c'est-à-dire que, par Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala distingue et met à l'épreuve les hommes pour distinguer entre les croyants et les non-croyants, les pieux et les pervers. Et pour récompenser ceux qui méritent d'être récompensés et pour punir ceux qui méritent d'être punis. Donc tout ça c'est par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit wal ibad amilun wallahu khaliquhum wa khaliqu a'malihim wa hum mukallafun wa hum mas'ulun wa hum ma'murun wa hum manhiyun wa hum alladhina yujazun ala a'malihim. Le cheikh il dit les serviteurs, ce sont les êtres humains qui font les actions. Allah les a créés et a créé leurs actions. Et ils sont responsables. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec la raison, avec la capacité. Hein? Et donc ils sont responsables de ce qu'ils font, ils vont être questionnés pour ce qu'ils font et ils sont ordonnés et interdits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui leur sont ordonnées de faire et il y a des choses qui leur sont interdites de faire. Et ils seront rétribués pour leurs actions selon ce qu'ils ont fait. S'ils ont fait du bien, ils auront du bien. S'ils ont fait du mal, ils auront du mal. Ensuite, le cheikh il dit فَالْقَدَرِيَّةِ يَقُولُونَ أَفْعَلُ الْعِبَادِ مَا يَخْلُقُهَا اللَّهِ خَارِجَةً عَنْ مَشِئَةِ اللَّهِ أَفْعَلُ الْعِبَادِ مَا يَخْلُقُهَا اللَّهِ خَارِجَةً عَنْ مَشِئَةِ اللَّهِ يعني يقولون أن هذه الأعمال هذه الأفعال هي خارجة عن مشيئة الله تبارك وتعالى يقول قبحهم الله يعني أن الله يعني أن لله أندادا يفعلون أشياء هو لا يريدها يفعلون أشياء هو لا يريدها يفعلونها بدون إرادته ومشيئته قبحهم الله. Donc le cheikh il dit que les Qadariyah, ça c'est une des sectes, parmi les sectes des Gahma, qui ont dévié dans la prédestination, dans la foi en Al-Qadar. Et ils sont apparus, ces gens-là, à l'époque, même à la fin de l'époque des Sahaba et au début de l'époque des Tabi'in. Quand ils sont apparus, même les premiers Tabi'in qui ont entendu cette bid'a quand elle est arrivée, ils sont partis au Hajj pour rencontrer les Sahaba pour leur demander de clarifier cette nouvelle bid'a qui apparaissait, la négation de la prédestination. Et Abdullah ibn Omar, il y a le hadith célèbre qu'il a rapporté à ce sujet-là, dans lequel il a dit dis-leur que Allah n'acceptera de rien. Même s'il donnait la montagne de Uhud en or, ils n'accepteraient rien de cet or tant qu'ils n'auront pas affirmé le qadar. Et il leur a dit, dis-leur que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, et eux sont innocents de moi, j'ai rien à voir avec eux, eux n'ont rien à voir avec moi. C'est ça qu'il leur a dit, tant qu'ils n'ont pas affirmé la prédestination. Donc c'est un exemple. Donc le cheikh il a dit, ces gens-là, les qadariyas, ceux qui nient la prédestination, et parmi eux bien entendu il y a les mu'tazilas. Les mu'tazilas sont des qadariyas, ils nient la prédestination d'Allah. Ok, donc eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les actions, c'est pas Allah qui les a créées. Les actions qu'on fait, c'est pas Allah qui les a créées. Elles sont en dehors de la volonté d'Allah. C'est-à-dire, les actions qu'on fait, on les fait contre la volonté d'Allah. Même si Allah ne veut pas qu'on les fasse, on les fait quand même. C'est du kufr. Et le cheikh, il dit qu'Allah les maudisse. C'est-à-dire que pour eux, il y a des égos qui agissent et qui font des choses que Allah ne veut pas. C'est comme s'ils étaient en train de dire qu'il y a d'autres seigneurs en dehors d'Allah qui peuvent opposer Allah dans ce qu'il veut. Ça, c'est la croyance des mushrikines. Ça, c'est pas la croyance des croyants, des gens du tawhid. Donc, ils pensent qu'ils peuvent faire des choses, que les êtres humains peuvent faire des choses sans que Allah les voulu, que Allah les maudisse. Le cheikh, il explique, il dit, لا يكون في هذا الكون إلا ما أراده وشاءه لأن هذا ملكه فالعباد وإن فعلوا فإن أفعالهم راجعة ومخلوقة لله والله خلقكم وما تعملون والله خالق كل شيء والله خالق كل شيء من الأقوال والأعمال والأجسام كل الموجودات الله خالقها هو خالقها والعباد فاعلون لأعمالهم باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم باعتبار هذه الأمور الموجودة فيهم هم مسؤولون عن أعمالهم. Donc le cheikh il dit, il y a rien qui se passe dans cet univers excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Et pourquoi? Parce que ça c'est son royaume. Il est le maître dans son royaume. Et donc tout ce qui se produit dans son royaume, c'est uniquement par sa volonté à lui et par sa permission à lui et par son vouloir. Tandis que les serviteurs, eux, ils font ce qu'ils font, mais leurs actions retournent à la créature, retournent en fait à Allah. Et c'est Allah qui les a créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 96 dans sourate As-Saffat. Et ce qui signifie, et Allah vous a créé, et ce que vous faites. 96 dans surat As-Saffat. Et le verset 16 dans surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le créateur de toutes choses. Wallahu khaliqu kulli shay. Verset 16 dans surat Ar-Ra'd. Donc, kulli shay, toutes choses, ça implique qu'il a créé les paroles, les actions, les corps, et toutes les choses qui existent, c'est Allah qui les a créées, et les serviteurs, eux, font leurs actions à eux. Et ils font ces actions-là de leur propre gré, par leur propre choix, et par leur propre capacité et force, et par leur volonté. وَبِاعْتِبَارْ هَذِي الْأُمُورِ الْمَوْجُودَ فِيهِمْ هُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهَا عَنْ أَعْمَالِهِمْ. Donc, étant donné qu'ils ont ces capacités-là en eux-mêmes, Allah leur a donné la volonté, la capacité, la force de faire ces choses, et donc, par conséquent, ils sont responsables de ce qu'ils font. Les êtres humains sont responsables de leurs œuvres. Et il dit, وَيُقَابِلُ الْقَدَرِيَّ يُقَابِلُ الْقَدَرِيَّ الْجَبْرِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ هُوَ الْفَاعِلُ اللَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ لِكُلِّ شَيْءٍ وأفعال العباد إنما هي أفعاله فهم مجبورون عليها والخلائق من الجن والإنس لا إرادة لهم ولا اختيار وإنما هم مسيرون وإن حركاتهم مثل حركات الأشجار تحركها الرياح قبحهم الله. Donc le cheikh il dit, et parmi les sectes il y a la secte des Jabriya également qui ont dévié dans le Qadar aussi, et la secte des Jabriya ils sont à l'autre opposé de celle des Qadariya. Donc c'est comme si en réalité les Qadariya et les Jabriya étaient un opposé à l'autre, face à face, et chacun ils ont pris un extrême. Les Qadariya ont nié la prédestination, puis ils ont affirmé la volonté d'Allah, mais ils l'ont affirmé d'une façon extrême. Ils ont nié la prédestination et ils ont affirmé la volonté et la capacité des créatures de façon extrême, c'est-à-dire comme si l'être humain il pouvait opposer par sa volonté la volonté d'Allah et la capacité et la force d'Allah. Et les Jabriya, eux, c'est l'autre extrême, c'est-à-dire ils ont dit que l'être humain il ne fait rien de lui-même, il n'y a rien de qu'est-ce que l'être humain fait que c'est son action à lui. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui se passe de notre part, c'est Allah qui nous le fait faire. On est comme une marionnette. Hein? Les êtres humains, pour eux, on est comme un arbre qui se fait souffler par le vent. Okay? On n'a pas de volonté, on n'a pas de force, de capacité, rien. Tout ce qui arrive, c'est Allah qui nous le fait faire contre notre volonté. Et le cheikh il dit, ça c'est la aqida des Jabriya, et c'est aussi la aqida des Jahmiya, hein, et des soufis. Parmi les soufis, il y en a qui croient de cette façon là ceux qui croient en wahdatul wujud aussi, parce qu'ils disent tout est Allah et Allah est tout, donc tout ce que font les créatures c'est comme si c'était Allah qui le faisait, tu vois. Allah musta'an. Ah oui, absolu, ça c'est absolu, ça c'est Allah qui a voulu. Hein, tu fais n'importe quoi, tu dis mais c'est pas de ma faute, Allah il a voulu que je le fasse. Quelqu'un il fait pas la salat, il dit ah mais quand Allah va vouloir je vais la faire. Et quand Allah va vouloir je vais la faire. Allah il veut pas que tu la fasses déjà. C'est parce qu'il connaît, en même temps ils connaissent pas la différence entre la volonté dans la création et la volonté dans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala il a une volonté universelle. Hein? C'est-à-dire que il y a des choses qui sont parmi les choses qu'il a créées, il y a des choses qu'il aime et il y a des choses qu'il n'aime pas, mais il permet parfois à des choses qu'il n'aime pas d'exister pour une sagesse, c'est-à-dire de tester les êtres humains par exemple. Sauf qu'il a envoyé des livres avec des messagers pour nous faire savoir sa volonté dans qu'est-ce qu'il aime et dans qu'est-ce qu'il déteste, et dans les ordres qu'il veut qu'on fasse, et les choses qu'il veut nous interdire. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser pour savoir ce que Allah veut de nous et ce qu'il ne veut pas, sur sa révélation. Et donc, eux, ils ne tiennent pas compte de cette distinction-là. Et ils pensent que la volonté universelle d'Allah, c'est elle qui est la référence. Donc, ils s'imaginent que si quelque chose se produit dans la création, ça c'est, ils s'imaginent que ça veut dire que Allah l'aime et qu'il est satisfait de ça. Non. Exactement. Barakallahu fik. Cette histoire-là, ça c'est un des exemples comment les salafs réfutaient ce genre de shubuhat. Hein? Comme Omar ibn al-Khattab qui dit, quand l'homme est venu, il a volé. Il a dit, c'est pas de ma faute si j'ai volé, c'est Allah qui m'a fait voler, ou qui a voulu que je vole. Et Omar ibn al-Khattab, il l'a réfuté. Clairement, il lui a dit, et c'est Allah qui a voulu que je te coupe la main. Puisque Allah a révélé dans le Coran que la punition pour celui qui vole, c'est qu'on lui coupe la main. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Donc c'est ça la peine que Allah a voulu pour les voleurs. Bon, le cheikh il explique ensuite, ils disent que c'est Allah qui fait les actions des créatures. hein, puis que c'est uniquement les actions d'Allah et qu'on est forcé de faire ce qu'on fait, et que les créatures, que ce soit les djinns ou les hommes, n'ont aucune volonté et aucun choix dans ce qu'ils font et qu'ils sont comme obligés et forcés de faire ce qu'ils font, et que leur mouvement, c'est uniquement comme les mouvements des arbres lorsqu'ils sont soufflés par le vent. Que Allah les maudisse. Le cheikh il dit wa hadha kadhib, wa yukhalifu al-waqi', al-amal al-ittirari yakhtalifu tamaman 'an al-amal al-ikhtiyari. Ay na'am, wa kullu insan hatta al-hayawanat تفرق بين الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية فالكلب حينما ترميه بالحجارة ما يلحق الحجر ويأخذه ترميه بالحجارة يصيبه فيترك ويأتيك لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا اختيار للحجر ويعرف أنك فأنت الفاعل المختار الذي قصدته بها ولكن الحيوانات كذلك كل الناس كذلك وأحدهم إذا فعل المعصية يقول الله قدرها علي الله شاءها الله أجبرني على هذا العمل طيب لكن تأتيه تأخذ ماله هل يتركك هل يتركك تضربه هل يتركك لا يحاربك ويذهب يشتكي إلى المحاكم وكذا وكذا فهم متناقضون تناقضهم هذا دليل على بطلان مذهبهم donc le cheikh il donne un exemple aussi pour réfuter leur parole il dit qu'est-ce qu'il dit c'est du mensonge et c'est contraire à la réalité parce que il y a des actions qu'on fait qui sont des actions comment c'est dit en français Il y a des actions qu'on fait qui sont volontaires, il y a des actions qu'on fait qui sont automatiques, mécaniques. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas pour les faire. Par exemple, le battement de notre cœur, ou les yeux, nos yeux quand ils se ferment comme ça, les yeux quand ils clignent comme ça, quand on éternue, quand on a envie, quand on va aux toilettes, ou des choses comme ça. On a un certain contrôle, mais à partir d'un certain moment, non. La faim, la soif, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas de contrôle, c'est automatique. C'est notre cerveau qui... La respiration, quand on dort, on n'a pas besoin de se rappeler, « Ah, il faut que je respire, sinon je vais oublier de respirer. » Non, tu respires, c'est automatique, c'est pilotage automatique. C'est Allah qui contrôle ça. Mais il y a d'autres choses qu'on fait dans notre vie, dans notre corps, que c'est des choses volontaires. Si tu bouges pas, si tu manges pas, si tu te lèves pas, si tu fais pas qu'est-ce que tu as à faire, eh ben, il n'y a rien qui va se passer. Donc tu dois agir, tu es obligé d'agir. Et ces choses-là, c'est tes actions à toi, c'est ton choix à toi, tu les décides. Les autres choses, peut-être les choses automatiques qui se passent en toi, c'est pas toi qui les choisis, mais il y a d'autres actions que tu fais, c'est toi qui décides. Et il dit, le cheikh, il dit, même les animaux, ils distinguent entre ces choses-là. Il dit, si tu prends un chien, par exemple, tu lui lances une pierre, il va pas courir après la pierre pour se venger, pour frapper, manger la mort de la pierre ou quoi, non, il va venir te mordre toi. Parce que c'est toi qui lui a lancé la pierre. Il sait que la pierre, c'est quelque chose d'inerte. Donc il dit, même les animaux, même les êtres humains, ils savent ça. Si quelqu'un, par exemple, il fait un péché, il dit, ah ça c'est Allah qui l'a voulu. Ça c'est Allah qui l'a prédestiné. Et il dit, c'est Allah qui m'a forcé de faire ça. Tu dis, ok d'accord, tu dis ça. Maintenant, va prendre son argent pour voir. Va prendre son argent, vois s'il va te laisser faire. Va le frapper, vois s'il va te laisser le frapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre avec toi, il va te faire la guerre. Il va se plaindre à la cour contre toi, au tribunal, pour dire tu l'as volé, tu l'as frappé, ou des choses comme ça. Donc ces gens-là, ils se contredisent. Et leur contradiction est la meilleure preuve contre la fausseté pour prouver la fausseté de leur voix. Okay. Et le cheikh il dit ensuite, على كل حال القدر عند أهل السنة والجماعة ما ذكرته. Donc il dit de tout, yani en tous les cas, si tu regardes le qadar selon les gens de la sunna, c'est tel que je l'ai mentionné. Premièrement, أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها وعلمها وعلمها الله كلها سبحانه وتعالى وعلم الآجال والأرزاق والأعمال وكل شيء. Donc premièrement, Allah a su toutes les choses avant qu'elles existent, avant qu'elles soient créées, et Allah les a toutes connues, et il sait le terme des créatures et leur subsistance et leurs actions et toutes choses. Ça c'est premièrement. Ensuite, deuxièmement, ثم دوّن في اللوح المحفوظ. دوّنه في اللوح المحفوظ. Il l'a écrit dans la table préservée. Troisièmement, ثم كتابة أخرى عند نفخ الروح في الجنين. Il y a une autre écriture également de la prédestination de chaque homme au moment où l'ange descend pour souffler l'âme dans le corps. ثم بعد ذلك مرتبة رابعة وهي مشيئة الله الشاملة لكل شيء التي لا يفوتها شيء فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. Donc ensuite il y a un autre degré, le quatrième, qui est يعني la volonté d'Allah, c'est-à-dire que tout ce qui arrive c'est Allah qui l'a voulu et il n'y a rien qui lui échappe dans ça. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Quelqu'un va dire ouais, mais il y a eu un tremblement de terre avec plein de morts, il y a eu le tsunami, il y a eu la bombe nucléaire de Hiroshima qui a explosé. Est-ce que ça aussi c'est la volonté d'Allah? Est-ce que Allah a voulu que tous ces millions de personnes meurent? Hein, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, toutes ces malheurs qui se sont produits, le 11 septembre, est-ce que tout ça c'est par la volonté d'Allah, l'Holocauste, hein, toutes ces choses qui se sont passées sur la terre, est-ce que tout ça c'est Allah qui l'a voulu? Oui, c'est Allah qui l'a voulu. Si Allah n'aurait pas voulu, ça ne pouvait pas se produire. D'accord? Ça ne pouvait pas se produire. Et tout ça, ça fait partie de la volonté et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'a pas créé les hommes pour vivre sur la terre, comme si c'était le paradis éternel. Il les a créés sur la terre pour un temps limité, pour les mettre à l'épreuve. Donc, pourquoi les koufars, eux, sont devant ces événements-là, sont bouleversés, surtout, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils croient pas, ils savent pas que ce monde, cette vie qu'on vit, c'est une vie temporaire, juste pour être éprouvé et testé. Malgré que eux aussi savent que tout le monde va mourir un jour. Hein? Mais quand des accidents ou des désastres ou des malheurs arrivent de cette façon, ils n'arrivent pas à comprendre. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné ces choses-là et qui les a voulu. Et s'il ne les avait pas voulu, ça ne se serait pas produit. Et s'il a voulu que ça se produise, c'est par sa sagesse et parce qu'il sait qu'il y a, dans ça, il y a un bien. Hein? Il y a un bien. Et en même temps aussi, il faut savoir que c'est parfois aussi à cause d'une punition pour les péchés des hommes, parce qu'ils ont transgressé et désobéi à ses commandements et à ses ordres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour ça, et également aussi c'est une expiation pour les péchés, pour les croyants, lorsque un malheur les touche, Allah leur efface des péchés à cause de ça. Donc c'est un bien pour les croyants, hein? Et également en même temps dans tout ça, il y a, comme on a dit, tout ça c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa sagesse et par sa volonté. Donc il n'y a rien qui sort de ça. Peu importe qu'est-ce que c'est. Et après, il dit le shaykh, وَمَعْ ذَلِكَ الْعِبَادُ مُكَلَّفُونَ وَمَأْمُرُونَ وَمَنْهِيُونَ وَمَا خَلَقَهُمُ اللَّهُ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ وإلا ليأمرهم وينهاهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو يحاسب الكافرين ويدخلهم النار ويدخلهم بأعمالهم التي أتوها باختيارهم. Donc le cheikh il dit, et malgré tout ça, les serviteurs d'Allah sont chargés d'une responsabilité devant Allah et ils sont ordonnés d'obéir à ses ordres et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Allah les a créés uniquement pour son adoration et pour qu'il leur ordonne et leur interdise des choses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 56 dans sourate Az-Zariyat, ce qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va juger les mécréants et qui va les faire rentrer en enfer ou qui va les et qui va les faire brûler éternellement en enfer à cause de leurs œuvres. Et entre autres, bien entendu, le pire de tous leurs péchés, c'est le shirk. Et toutes ces actions-là qu'ils ont faites, par lesquelles Allah va les punir, c'est des choses qu'ils ont faites de leur propre gré et par leur propre volonté. Naam. Non. Si quelqu'un parmi les musulmans renie un des piliers de la foi, comme la prédestination par exemple, avec connaissance, c'est pas un nouveau converti qui est ignorant et il n'a pas encore bien compris, puis il dit non, moi je crois pas à ça, alors qu'il vient de se convertir, on va pas lui dire qu'il est mécréant par ça. On va lui apprendre comme il faut, on va lui expliquer, on va lui montrer les preuves et tout et tout et tout. Après, par la suite, bon, s'il rejette, il renie après la connaissance, ça c'est autre chose. Parce qu'on a établi la preuve sur lui, ça c'est quelque chose de différent. Mais la personne ignorante, dans le sens qu'elle n'a pas pu avoir accès à la science d'aucune façon, et que, ou bien que la personne était limitée dans ses références ou dans ses ressources pour connaître la vérité, ben, c'est un autre cas. Et le cheikh il dit ensuite يقولون مثلا هذا المعروف يقولون مثلا وهذا المعروف ان الله سبحانه اي نعم وهذا المعروف ان الله سبحانه وتعالى يوفق اهل الخير واهل الايمان يوفقهم للاعمال بتوفيقه يوفقون للاعمال ويقومون بالأعمال المطلوبة منهم والكفار ما أعطاهم وهذا حقه هذا فضله إن شاء أعطى وإن شاء منع فوكل أولئك إلى أنفسهم وذهبوا يتخبطون في الظلم والضلال والجهل والكفر والفسوق وكلهم الله إلى أنفسهم والعياذ بالله ولم يعطهم من فضله الذي هو فضله وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لأنه رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يقال لماذا ما أعطيت فلانا ولماذا ما هديت فلانا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى وخلق الجنة ولها أهلون وخلق النار ولها أهلون ولكليهما على الله ملؤها. أي نعم. Donc le cheikh il explique ici, il dit que eux ils disent par exemple, et ça c'est connu, que Allah subhanahu wa ta'ala il donne le succès aux gens du bien et aux gens de la foi, et il leur donne le succès de faire les œuvres par son succès, et donc on leur donne le succès de faire le bien et d'établir les bonnes œuvres qui sont exigées d'eux. Tandis que les mécréants, Allah ne leur a pas donné ce droit et ne leur a pas donné de sa grâce. S'il veut, il donne à qui il veut. Et s'il veut, il retient sa grâce de qui il veut. Et il a laissé ceux-là à leur propre personne. Il les a abandonnés à eux-mêmes et ils sont partis et se sont enfoncés dans l'injustice, dans l'égarement, dans l'ignorance, dans la mécréance et dans la perversité. Donc il les a laissés, il les a abandonnés à eux-mêmes, que Allah nous en préserve, et il ne leur a pas donné de sa grâce, qui est sa grâce, et il ne leur a pas donné de cette grâce, et il la donne à qui il veut, et il la retient de qui il veut, car c'est lui le Seigneur de l'univers, des univers. Et il mentionne le verset 23 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. C'est-à-dire, il n'est pas à être questionné de ce qu'il fait, tandis que eux sont questionnés. C'est-à-dire, c'est pas Allah qui doit être questionné pour ce qu'il fait. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu fait ça? Mais c'est les créatures qui seront questionnées. Et donc, le cheikh, il dit, les êtres humains n'ont pas le droit de demander à Allah pourquoi tu n'as pas guidé un tel? Ou pourquoi as-tu guidé un tel? Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il a créé le paradis et il a créé pour le paradis des hommes. Hein, il a créé l'enfer et il a créé pour l'enfer des hommes. Et pour les deux, Allah a promis qu'il allait les remplir, le paradis et l'enfer. واختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار يعني أثرت بالمتكبرين فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء. Donc il a mentionné un hadith dans lequel on mentionne que l'enfer et le paradis se sont disputés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'enfer a dit: Oh mon Seigneur, pourquoi il y a personne qui rentre chez moi, excepté les faibles parmi les hommes et les gens bas, hein, parmi les hommes. Et l'enfer a dit, yani, moi j'ai eu la préférence c'est-à-dire j'ai eu, yani, ceux qui sont les gens orgueilleux et fiers qui rentrent chez moi seulement, par opposition à l'enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit au paradis: toi tu es ma miséricorde. Et il a dit à l'enfer: toi tu es mon châtiment. Et j'ai atteint par mon châtiment, hein, ou par toi, qui je veux. Donc le cheikh, il a dit ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Tawhid, dans le chapitre de al-Tawhid dans Sahih al-Bukhari, dans l'explication de la parole d'Allah: Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. C'est-à-dire, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et il est rapporté aussi dans le hadith, dans le livre de hadith de l'imam Muslim, dans le chapitre Le paradis et la description de ses délices et de ses habitants. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le chapitre au sujet de la prédestination. Mais juste pour peut-être ajouter un petit peu plus de clarification par rapport à qu'est-ce que le Cheikh Arabi a expliqué à la fin par rapport aux gens du paradis et aux gens de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et bien entendu, on sait que la guidance, elle a des causes. Et l'égarement, elle a des causes aussi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait les causes pour être guidé, Allah va le guider. Et celui qui a fait les causes pour être égaré, il va être égaré. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets cet aspect-là, comme il dit par exemple, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى. C'est un verset. Et l'autre verset qui dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est-à-dire ceux qui وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. C'est-à-dire ceux qui font des efforts pour arriver à notre agrément, pour nous satisfaire, pour arriver à nous obéir et à rentrer au paradis, Allah dit, nous le guiderons vers nos chemins. Nous le guiderons vers nos chemins. Et وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هُدَى, c'est-à-dire, nous augmenterons celui qui a cherché à être bien guidé en guidance. Donc Allah va l'augmenter en guidance. Également, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. C'est-à-dire, quand ils ont préféré ou choisi l'égarement, Allah les a, a fait dévier leur cœur. Donc c'est pour dire que les hommes, quand ils choisissent de s'aveugler, quand ils choisissent de se détourner de la vérité et qu'ils préfèrent l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala les enfonce encore plus et les égare parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Et la même chose pour les gens qui cherchent l'agrément d'Allah, qui font des efforts pour essayer de lui plaire et de se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Allah les guide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et il donne de sa grâce et de sa miséricorde à qui il veut. Naam. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum baraka, inshallah. Le prochain cours, c'est...